le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Allez, on y va, petits et grands, en même temps. Comme ça c'est très bien, et maintenant on tape dans ses mains. Et on débute cette émission de ce lundi avec la Morena par Rose Avril. Avec Sidonie Baba. Pendant le bas, valse et amis usés de vos semelles, le dernier clou. Le vent qui vient du Valais Trois Chandelles me rendra fou. Le vent qui vient du Valais Trois Chandelles me rendra fou. Tout autre femme, elle est à côté ici, Julie, au bas fringue fidèle, vient se placer. Elle me dit qu'elle est en Bourgogne, tant mieux pour nous. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudes me rendra fou. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudes me rendra fou. Ces jours derniers, un sapeur du génie, la regardant, elle disait, morbleu, je vendrai pour Julie mon fourniment. Je donnerai le sac et les bretelles, mon dernier sou. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudelles me rendra fou. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudelles me rendra fou. Chanter, danser, Annie la nuit savante, Julie ce soir m'a promis de quitter la contredanse pour me revoir. J'en recevrai ses pas dans les plus belles, son cœur et tout. Oh, oh, c'est surtout ça qui l'intéresse. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudelles me rendra tout. Le vent qui vient du Val des Trois Chaudelles me rendra tout. Oui, mais voilà que j'attends ma conquête depuis trois jours. Elle a quitté le pays sans trompette et sans tambour. Hein, qu'est-ce que vous dites de ça? Eh ben, c'est du beau monde. Oh, puis, c'est l'un ou l'autre. Julie Hortense, Ursule ou Gabriel, moi, je m'en fous. Vive le vent du Val des Trois Chandelles qui vous rend fou. Vive le vent du Val des Trois Chandelles qui vous rend fou. Je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes trois ans. Mon cousin me dit, il y a le fils Fidasse qui va dans le même régiment. Tu devrais faire ta connaissance. J'ai fait comme avait dit le cousin. Et depuis que je sers la France, Fidasse est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun une permission. Avec l'ami Fidasse, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dis donc, Fidasse, tiens, regarde un peu là. Oh, dans les rues, on se promène, ça nous fait passer le temps. Là. Dimanche matin, il y a des bobonnes qu'elles s'en vont faire leur marché. Nous, on en connaît deux mignonnes et on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, en tapis noir, nous les regardons. Et de loin, sans avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles voient rien. Ça fait comme ça, on s'amuse bien. Avec l'ami Fidasse, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et quand elles sont dans leur appartement, ils ont Fidasse. Tiens, regarde un peu là-haut. On regarde les persiennes. Ça nous fait passer le temps blanc. On va souvent voir les gorilles au jardin des plantes, c'est curieux. Dans la cage à la cocodrille, on va passer une heure ou deux. Dans les singes qui font la grimace, pour le tueur, on a des bons moments. Tiens, regarde un peu là-bas. Le chameau, là. Jusqu'à ce que le gardien passe, qui crie, allez, on ferme, allez-vous-en. Et comme on peut pas rester là, j'ai dit, vieux, tu viens et on s'en va. Avec l'ami Fidasse, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Et plus tard dans la vie, on dira sûrement ben au régiment, Dis donc, Bidas, tu te rappelles quand tu faisais les... On a bien des orgies, on a bien passé le temps là. J'ai deux amours, Josephine Baker. Ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Paris, Paris, toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon ce qui m'ensole, c'est Paris, Paris, tout entier. Un jour, c'est mon rêve joli, les deux amours, mon pays Paris. Écoute maintenant Ginette Bourdin. Quelle heure est-il ? Eh bien, exactement 14 heures passées de 19 minutes. Voilà. De Strasbourg à Carcassonne, jour et nuit, les heures sonnent. Ding. Seine à la Garonne, tous les clochers carillonnent. Ding, ding, dong. C'est toujours la même chanson, répétée sur tous les tons. Quelle heure est-il ? Encore un jour nouveau qui se faufile à travers les carreaux. Quelle heure est-il ? Allons vite au boulot. Et ça défile à coups de pendule, à coups de chrono. Quelle heure est-il ? La rue s'est animée. Du gai babil des petits écoliers. Chantons le temps qui passe, puisqu'il efface les heures difficiles. Gardons le plus joli, c'est ça la vie. Quelle heure est-il ? Depuis que le monde est monde, les aiguilles font la ronde. Ding, ding, dong. Pour croire au temps qui s'arrête, il faut être au moins poète. Ding, ding, dong. Tout vieillit la terre et le ciel, mais l'amour est éternel. Quelle heure est-il ? Demande la midinette. Qu'il faut que je file, car il est midi net. Quelle heure est-il ? S'inquiète le fiancé qui vient l'attendre à la sortie de l'atelier. Quelle heure est-il ? Au rythme de leur cœur, vous tombez pile, c'est l'heure du bonheur. puisqu'il efface les heures difficiles. Gardons les plus jolies, c'est ça la vie. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est la fin de la journée. Quelle heure est-il? Encore une de passer. Et chacun file, retrouver jusqu'à demain. Enfin tranquille son petit mari et ses bambins. Quelle heure est-il? Bonjour chérie, c'est moi. Tout est facile, comme on est bien chez soi. Chantons le temps qui passe, puisqu'il efface les heures difficiles. Gardons les plus jolies, puisqu'à la vie, l'heure est utile. Quelle heure est-il? Déjà? Oh. Et on continue avec René Lebas. Ce sera Amour perdu. René Lebas. Amour perdu, amour disparu. Je vous cherche le long des rues et je revois vos yeux d'autrefois en chantant tout le long des rues. Amour passé, amours effacés, pourquoi donc m'être apparu? Votre sourire est sans souvenir le long des rues. Le vent de chaque nuit emporte dans son tour du monde l'ombre des amants d'un jour. Et sous d'autres étoiles, tous ces amants dans le silence dansent leurs brèves amours. Amour perdu, amour disparu, je vous cherche le long des rues. Et je revois vos yeux d'autrefois en chantant tout le long des rues. Amour passé, amours effacés, pourquoi donc m'être apparu? Votre sourire est sans souvenir le long des rues. Pourquoi donc m'être apparu? Votre sourire est sans souvenir le long des rues. Et on continue avec Gilbert Bécaud, Mes mains. Quatorze heures passées de 25 minutes. Mes mains dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains se tendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment à la folie, d'un amour infini, elles t'aiment pour la vie. As-tu déjà effacé ce passé qui m'obsède? As-tu déjà oublié que ses mains ont tout donné? Mes mains qui voudraient caresser un jour seront lassées d'attendre ton retour. Mes mains, elles iront te chercher là où tu t'es caché avec un autre amour. Mes mains, méprises dans les prières, trembleront de colère et je n'y pourrai rien. Mes mains, pour toujours dans la nuit, emporteront ta vie. Mais puisque tu le sais, reviens, et tout comme autrefois, elles frémiront pour toi dans la joie retrouvée. Reviens, ne les repousse pas, tes mains tendues vers toi, et donne-leur tes mains. Luis Mariano nous interprète en veston, jaune. Là, je crois qu'on a un petit problème technique. Voilà, veston jaune qui arrive. C'est même pas le veston jaune, figurez-vous. Alors, je voudrais le veston jaune. Ah, on va peut-être m'écouter là. Luis Mariano. La neige de décembre voltigeait sur les chaumières. Que des contes, que des fables nous racontait mon grand-père. Il savait les mille histoires qui cheminent sur la terre. La plus belle était l'image qui chantait un grand amour. C'est du cœur d'un doux poète que ma terre est le naquit. La voix si naïve et tendre, aussi fraîche que jadis. En veston jaune et pantalon bleu pervenche, dans sa calèche il venait le dimanche. Dans la grande rue l'attendait rose et blanche, mademoiselle Isabelle, son amour. Trottinant sans trop de zèle, la jument faisait leur bonheur. À l'abri sous une ombrelle, en cadence battait leur cœur. À 20 ans, comme tant d'autres, il dut quitter son Isabelle, en jurant à son amour de lui rester toujours fidèle. Tous les jours, il lui cueillait les fleurs nouvelles les plus belles, qu'il jetait dans la rivière qui passait au cher pays. Et les fleurs de ce poète, navigant au fil de l'eau, apportait à Isabelle le message le plus beau. En veston jaune et pantalon bleu pervenche, dans sa calèche il viendra le dimanche. Dans la grande rue l'attendra rose et blanche, mademoiselle Isabelle, son amour. Trottinant sans trop de zèle, la jument fera leur bonheur. À l'abri sous une ombrelle, en cadence battront leur cœur. Et plus tard à la chapelle, un curé bénit leur amour. Cette histoire est éternelle. Chantez-la, votre tour. Sous une ombrelle, en cadence battent leur cœur. Et on continue avec Yves Duteil, Prendre un enfant. Voulez-vous danser, grand-mère ? Il n'y a pas la réponse de la grand-mère, mais on pense qu'elle va le faire. Oh, quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman, la famille est réunie pour leurs noces de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux quand une petite petite fille, dit en riant au bon vieux, voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Ou comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Comme la joie est immense, on fait jouer au phono le disque d'une romance aux accents doux et vieillots. Alors oubliant leurs rides, en souvenir du passé, les deux aïeux se décident et s'enlacent pour danser. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Sur cette terre qui vous rappelle combien la vie était belle, pour votre anniversaire, vous avez dansé, grand-mère. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chiffé. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, tous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Moi, il aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, très baisé. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête dans les bras d'un gars du milieu, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dit avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de 15 ans, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. C'est du passé, n'en parlons J'avais un nouveau logement, mais je n'en étais pas content. Étant chaque nuit réveillé par un tout petit bruit singulier. Madame la concierge, mais qu'est-ce que c'est donc qui fait ce tic-tac au-dessus de mon plafond? Elle me répondit, c'est tout simplement une petite ouvrière en appartement. Pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il paraît, monsieur, qu'elle travaille très bien. Ses petites jambes fonctionnent du soir au matin. Elle pique, pique, pique, pique, pique, pique à la mécanique. Sa petite aiguille, pique, pique, pique, elle va et vient. Je me dis nom d'un chien pour faire tant de potins. Pour que sa petite machine soit détériorée, elle devrait la faire réparer. Je rencontrai quelques jours plus tard ma petite voisine par hasard. Elle respirait la candeur, elle était jolie comme un cœur. Une petite bouche avec grands yeux, j'en devins alors follement amoureux. Et quand je l'entendais travailler la nuit, je soupirais, m'agitant dans mon lit. Pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Je voyais ses petites jambes du soir au matin. Bien que ce ne fût qu'en rêve, c'était bon tout plein. Elle pique, pique, pique, pique, pique, pique à la mécanique. Sa petite aiguille, pique, pique, pique, elle va et vient. Je me disais pour chien, si elle voulait bien, comme sa petite machine est détériorée, je la lui ferai réparer. Bientôt je trouvais l'occasion de lui faire une déclaration. Si bien qu'un soir discrètement, elle me fit monter dans son logement. Il n'y avait pas de machine, je fus bien surpris. D'où pouvait donc venir cette espèce de bruit? Trois quarts d'heure plus tard, j'étais renseigné. Ce qui faisait tic-tac, c'était son sommier. Pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il n'y a pas à dire, elle travaillait bien. Mais 8 jours plus tard, j'allais chez le médecin. Bon, monsieur le docteur, je sais pas ce qu'il y a, mais ça me pique, pique, pique, pique, pique, pique à la mécanique. C'est comme des aiguilles, pique, pique, ça me fait un mal de chien. En riant, le médecin me dit, ça ne sera rien, c'est la petite machine qui est détériorée, je vais vous la réparer. Pour nous porter bonheur à la 42e tranche, le duo de la mascotte. Bravo. Allons-y, Chopin. Je sens lorsque je t'aperçois comme un tremblement qui m'agite. Et moi, Bettina, quand je te vois, c'est étonnant comme je palpite. C'est parce que tu manges trop, Toto. J'adore ça. Si tu t'approches de moi soudain, je tremble comme une petite poule. Quand ma main rencontre ta main, crac, c'est fini, je perds la boule. T'abuses de ton physique. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux glou, quand chacun de mes bains m'a... de fibres. Oh, glou, glou, glou. Oh, oh, ça va pas, Toto, ça va Qu'est-ce pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai dû bouffer un radis, tu sais qu'il me remonte. Oh, il faut pas manger de radis, mon petit. Bon, ben, je m'abonnerai au concombre. Lorsque je plonge dans tes yeux, mes yeux, c'est curieux comme ça me ravigote. Quand j'aspire l'odeur de tes cheveux, jusqu'au bout des doigts, ça me picote. T'as dû bouffer un bigorneau qui était pas frais. Peut-être. Lorsque tu me parles voilée, que dans mon petit cœur ça s'embrouille. Quand tu me regardes, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. T'as qu'à mettre de l'ongles en gris sans rien dire à personne. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes moutons. Quand ils font leur doux glavou, glavou, glavou. C'est pour changer, tu comprends. Quand chacun de mes mains. Je t'aime mieux que mes dindons. Je t'aime mieux que mes moutons. Quand ils font leur doux glavou, glavou, glavou. Quand chacun de mes mains. Glavou, glavou, glavou. Glavou, glavou, glavou. Glavou, glavou, glavou. Bah alors, qu'est-ce que c'est? Bah arrête-moi. Je suis peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Dans le tabac du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve mes potos. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse les hommes. Je le croise, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Je suis vraiment un type des plus nature. Oh, oh, j'ignore le chiquet. Non, mais à rien faire, la vie est assez dure, sans se la compliquer. Je comprends pas qu'on se démanche quand on a tant besoin de repos. Il y en a qui travaillent le dimanche. Oh, oh, alors là, je leur lève mon chapeau. Ma pomme, c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse les hommes. Je le croise, font du souci. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi pénard que moi. Des femmes, il m'en faut comme à tout le monde. Oh, mais je m'en embarrasse pas, hein. Quand je veux une brune ou bien une blonde, je choisis dans le temps. Comme j'ai pas de pèse, je suis à l'aise pour leur promettre tout ce qui leur plaît, hein. Mais quand j'en pince, oh, je suis bon prince. En partant, je leur laisse mon portrait, ma pomme. Heureux qu'un roi, je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse les hommes. Je le croise, font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme la pomme, il suffit d'être en somme aussi pélard que moi. Eh bien, on vient écouter successivement « Voulez-vous danser, grand-mère ?» par Nicole Chanly, « Mon amant de Saint-Jean » par Anne Chapelle, « Elle pique à la mécanique » avec Charius, « J'aime bien mes dindons » par Charpin et Brocanteau, et enfin « Ma pomme » par Maurice Chevalier. Et on continue, bien sûr, en musique et en chanson. Et cette fois-ci, on va écouter Yves Montand. Non, même pas, Yves Montand, je me trompe, Charles Trenet, la mer. la mer qu'on voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. Là-bas a bercé mon cœur pour la vie. 14h passées de 54 minutes, la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Une information. Votre restaurant Patapin de Orme organise et vous invite à un afterwork portugais le jeudi 26 septembre prochain. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin, avenue du Général de Gaulle à Orme. Une ambiance sous les couleurs du Portugal et animée par DJ Franky. Au menu, morangao à base de liqueur bairao, je veux bien. plancha et musique gorgée de soleil. Alors, à vos agendas, notez bien. C'est le jeudi 26 septembre à partir de 19h. Venez passer votre afterwork portugais au restaurant Patapin à Orme, l'ambiance est garantie. Et on continue, nous, en musique, avec l'ambiance est garantie également. Et on écoute Marie-Laurence, chantée par Bruno Clair. Présente au monde la grâce blonde de ses 20 ans. Mais ça je laisse ce voile de tristesse. Sous les sourires, mon cœur soupire de temps en temps. le rend morose, c'est je suppose d'être sur terre en solitaire. Nul amourette, je le regrette, de mes fillettes, ton cœur en fête au long des jours. Marie-Laurence, douce fleur d'innocence, prie la Madone qu'elle te donne un tendre amour. Marie-Laurence, dans une révérence, présente au monde la grâce blonde de ses 20 ans. Et sa jeunesse rayonne de tendresse, et son sourire semble nous dire c'est le printemps. Un charme étrange soudain la change, et sa voix d'ange n'est plus la même depuis qu'elle aime. Une étincelle d'amour fidèle dans ses prunelles la rend plus belle de jour en jour. Marie-Laurence, douce fleur d'innocence, n'a plus de larmes, c'est là le charme d'un tendre amour. Deux petits chaussons, c'est André Claveau qui nous chante. Deux petits chaussons de satin blanc, je crois. Écoutez cet air, c'est l'histoire banale de ce ver de terre amoureux d'une étoile. Histoire d'enfant qui souvent fait pleurer les grands. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il tournait, tournait, tournait, tournait, tournait, toujours. Plus il tournait, plus il souffrait du mal d'amour. Deux petits chaussons par-dessus les plus jolis yeux l'on est vu, sous de longs cheveux légers, légers, et qu'il était bien obligé d'aimer. Le nez vermillon, le chapeau sur la tempe, comme un papillon sous les feux de la rampe. Le soir, il jouait, mais tandis que les gens riaient. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. Il elles ont tant tourné, tourné, tourné, qu'un soir d'été, le cœur du clown, trop essoufflé, s'est arrêté. Deux petits chaussons de satin blanc sur le cœur d'un clown dansait gaiement. À 20 ans, l'on ne sait pas toujours que même un clown, ça peut mourir d'amour. Ça va plus vite que moi là, ça. Je passe mon temps au téléphone, donc on peut pas être partout. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Et on enchaîne avec Nini Potchien et Jean-Baptiste Merciol. Potchien, chanté par Jean-Baptiste Merciol. Quand elle était petite, le soir elle allait à Sainte-Marguerite ou casse des salés. Maintenant qu'elle est grande, elle marche le soir avec ceux de la bande du Richard Lenoir. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potchien. À la Bastille, elle a la peau douce, aux taches de son, à l'odeur de rousse qui donne un frisson, et de sa prunelle au ton vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potchien à la Bastille. Quand le soleil brille dans ses cheveux roux, Jenny de la Bastille lui fait ses yeux doux. Et quand elle se promène du bout de l'arsenal, tout le quartier s'amène au coin du canal. Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potchien à la Bastille. Mais celui qu'elle aime, qu'elle a dans la peau, c'est Bibi la crème, parce qu'il est costaud. Parce que c'est un homme qui n'a pas le foie blanc, aussi faut voir comme Nini l'a dans le sang. À la Bastille, on aime bien Nini Potchien. Elle est si bonne et si gentille, on aime bien Nini Potchien à la Bastille. Et toujours Jean-Baptiste Merciol, le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le maire, le moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne saurait jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles et merle nos cœurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux. Le maire, le moqueur. Et on écoute maintenant La rue de notre amour à la guitare avec Jean et Viviane au chant. C'est le duo d'air. Elle est pleine, pleine de cafards, des rengaines que chante un clochard sur le toit d'une vieille maison. Un moineau chante aussi sa chanson. Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes. Sur les vieux murs, c'est un coin romantique et fané, mais c'est là que notre amour est né. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir des amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs, où l'amour fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. Elle est belle quand le ciel est bleu, elle est belle même quand il pleut. Mais le jour où je t'ai rencontré, le soleil avait tout éclairé. Le jour même, c'est toi qui m'as dit, je vous aime, c'est pourquoi depuis, nous n'avons qu'un logis pour nous deux, dans la rue de nos premiers aveux. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit les amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. Pleine. S'agit-il bien d'aller sur scène? T'as trop foulé les détritus. T'as sous la peau plus d'une rue. T'as sous les dents plus d'imbéciles. Que t'as de bleu sous les sourcils. Habitants abrutis, mes frères des Cathy, au béton des cités. Allons rêver de beauté, allons secouer nos feuillages, débétonner nos peurs, nos cages. Allez ma gueule, va-t'en l'ouvrir, va leur parler de ton mourir et de ton rêve, et puis du vent, des mazourkas de grand-maman. T'as sous tes larmes toutes leurs larmes, et sous tes rires y a tout leur charme. Habitants abrutis, mes frères des Cathy, au béton des cités, allons rêver de beauté, allons secouer nos feuillages, débétonner nos peurs, nos cages. Allez ma gueule, va musiquer, ils ont tous un accordéon, quelques poèmes et des flonflons, au cœur un port où débarquer, je garde des mots, l'illusion, ce soir c'est ma révolution. Habitants abrutis, mes frères des Cathy, au béton des cités, allons rêver de beauté, allons secouer nos feuillages, débétonner nos peurs, nos cages, allons secouer nos feuillages, débétonner nos peurs, nos cages. N'oubliez pas le samedi de 16h à 18h, le petit bal du samedi soir. On va l'écouter chanter maintenant par Viviane et Jean. Dans le vieux faubourg, tout chargé d'amour, près du pont de la Villette, un soir je flânais, un refrain traînait, un air de valse musette. Comme un vieux copain me prenant la main, il m'a dit viens. Pourquoi le cacher? Ma foi, j'ai marché et j'ai trouvé le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir dans ce robinette. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez bonsoir. Mais du bonheur plein les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux. D'ailleurs il ne manquait rien, il y avait tout ce qui convient, des boulets du vin rouge. Au troisième flacon ça bouge, au quatrième on est bien. Alors il faut mieux s'asseoir, le patron vient nous voir, il vous dit c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Vous l'avez deviné, j'y suis retourné, maintenant je connais tout le monde. Victor et Titi, Fernand le tout petit, Nélé, c'est Mimi la blonde. D'ailleurs de beaux yeux, il y en a tant qu'on veut, ils vont par deux. Et blague dans les coins, on est aussi bien qu'au tabarin. Au petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les minettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur des ça veut, car tous les amoureux se montent un peu la tête quand l'accordéon s'arrête. On s'assoit deux par deux. De temps en temps, un garçon pousse une petite chanson, ça fait rêver les filles. Dans le noir, y a des yeux qui brillent. On croirait des petits lampions. Oui, des lampions merveilleux au carnaval joyeux de la fête éternelle. On serre un peu plus sa belle au petit bal du samedi soir. Un dimanche matin avec Baptistin, c'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a joué bistrot, j'ai dit banco. J'ai gagné ma foi et depuis trois mois, il est à moi. Le petit bal du samedi soir où le cœur plein d'espoir danse des midinettes. Pas de frais pour la toilette, tout ça nous allait bonsoir. Mais du bonheur plein des yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, merdiguer le cœur joyeux. Baptistin dans l'occasion n'avait plus de situation en perdant sa boutique. Mais comme il m'est sympathique, alors je l'ai pris comme garçon. Et c'est lui qui sert à boire aux amoureux dans le noir, dans la cabane en planche, du samedi jusqu'au dimanche, au petit bal du samedi soir. D'ailleurs il ne manquait rien, il y avait tout ce qui convient, des moulets, du vin rouge. Au troisième flacon ça bouge, au quatrième on est bien. Alors il faut mieux s'asseoir, le patron vient nous voir et vous dit c'est la mienne. Et c'est comme ça toutes les semaines, au petit bal du samedi soir. Rikita, maintenant, c'est Jean-Baptiste Mercier. À Java, il était né une poupée si jolie qu'on eût dit un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit, viens donc à Paris, ma jolie. Les plaisirs et les désirs te feront reine ou démon. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux ensorcèlent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Et tout Paris acclama Rikita. Elle vit dans la folie de l'orgie. Un regard de ses beaux yeux fait d'un homme un malheureux. À tout le monde elle se promet et jamais son cœur n'a pu se donner ni aimer. Elle rit quand vous pleurez, elle pleure quand vous chantez. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux ensorcèlent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Étranger, toi qui m'as dit qu'à Paris je trouverai le bonheur, moi j'en meurs. J'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays. À ceux qui m'ont fait souffrir vos plaisirs, laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit un ange blond m'a chanté votre chanson. Rikita, jolie fleur de Java, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux ensorcèlent, ton doux chant émouvant nous d'amour. On voudrait te garder pour toujours. Si tu reviens jamais dans ce jet temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès du nous. Balle chez Temporel, corps à beau cœur. Au bord de l'eau, ne reste que quatre initiales et de cœurs gravés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès du nôtre. Sur le vieux comptoir, tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos vainqueurs qui depuis se sont fait la paix. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelques « je t'aime » auprès d'une autre. Dans ce petit bal mal famé, en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Et on écoute maintenant, La Java Bleue par le duo d'air, Viviane et Jean. La Java Bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Tiendra pas toujours, c'est la Java Bleue. La 15h passé de 26 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On écoute les frères Eloi, sans chemise, sans pantalon. Nous permettrait sans façon de vous présenter cette chanson. Sans chemise, sans pantalon, à quoi bon pousser du haut cri puisque vous chanterez aussi. Sans chemise, sans pantalon, moqueur, railleurs ou frondeurs. Sans chemise, sans pantalon, chantons amis doux sans cœur. Sans chemise, sans pantalon. Au paradis, Adam déjà se balade et avec Eva. Sans chemise, sans pantalon. Un serpent qui était tout nu lui offrit le fruit défendu. Sans chemise, sans pantalon. Pour avoir mangé. Sans chemise, sans pantalon, du ciel il fut rechassé. Sans chemise, sans pantalon. Plus tard, le bon roi Dagobert trottait l'été comme l'hiver. Sans chemise, sans pantalon. Avec son ami Saint-Éloi, il rédigeait des temps de loi. Sans chemise, sans pantalon. Pourtant, il s'est enrhumé. Achou! Sans chemise, sans pantalon. Si bien qu'il a trépassé. Sans chemise, sans pantalon. Puisque l'on vient au monde tout nu, ce que l'on a c'est du superflu. Une chemise, un pantalon. Ce sont là pour le percepteur, signe de richesse extérieure. Nos chemises, nos pantalons. C'est mieux de ne rien cacher. Sans chemise, sans pantalon. On n'a plus rien à payer. Sans chemise, sans pantalon. Sans chemise, sans pantalon. Comment? Sans chemise, sans pantalon. Et on retrouve Jean-Baptiste Mercier. L'air de lune à Maubeuge. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise. J'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers. J'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les R. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil du Tourcoing. Oh, je vous en prie. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. bientôt ça ne vaut pas le doux soleil de Roubaix. Oh, vous êtes ridicule, tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin. Biceps. Et on écoute maintenant Michel Tissier. Michel Tissier, ça ne vous dit rien. Eh bien, c'est un ancien d'Algérie. Je ne l'ai pas connu, mais il est à peu près de mon âge. Michel Tissier nous interprète Paris Ballade. Paris Ballade, Paris Ballade, Paris Ballade. Ces chevaliers, main dans les poches, je me trimballe, c'est place Figane. Encore un verre, le der des derres, folie bergère. Le long des quais, les bouquinistes nous font rêver. Et sur la scène, les péniches font que passer. La tour Eiffel, cette demoiselle qui fait le guet. Une jolie dame aux cheveux blancs, c'est Notre-Dame. Tu sais bien, mon Paris. Tu sais bien que je t'aime, tes quartiers, tes faubourgs, on en rêve toujours. Tu sais bien, mon Paris, tu sais bien que je t'aime. Rendez-vous des beaux jours, rendez-vous de l'amour. De musette, accordéon, musique en tête, et midinette, c'est Robinson. Soir de printemps, bouquet de violette, c'est deux amants. Amour, amour, petit vin blanc, c'est Anne Jean. Rue de la Paix, place Vendôme, Saint-Honoré. Porte Saint-Martin, les grands boulevards et ses cafés. Belle inconnue, je t'ai aimé, t'en souviens-tu? Rue de la Paix, place Vendôme, Champs-Élysées. Tu sais bien, mon Paris, tu sais bien que je t'aime. Tes quartiers, tes faubourgs, on en rêve toujours. Tu sais bien, mon Paris, tu sais bien que je t'aime. Rendez-vous des beaux jours, rendez-vous de l'amour. Tu sais bien, mon Paris, tu sais bien que je t'aime. Tes quartiers, tes faubourgs, on en rêve toujours. Tu sais bien mon Paris, tu sais bien que je t'aime. Rendez-vous des beaux jours, rendez-vous de l'amour. Passé de 35 minutes, dans quelques 20 minutes, je laisserai la place, 25 minutes, une page de publicité, je laisserai la place à notre ami Francky pour son émission After, After quelque chose, After Job, voilà, j'ai trouvé. André Gilles maintenant, André Gilles nous interprète L'étoile d'amour. Un poète ayant fait un voyage de rêve m'a dit qu'il existait dans le ciel radieux une étoile où jamais ne sonne l'heure brève où les cœurs se brisent en adieu. Une étoile d'amour, une étoile d'ivresse, les amants, les maîtresses aiment la nuit, le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile où l'on aime tout. toujours. On y entend le soir échanger sous les arbres de fous baisers troublants le calme de la nuit. Auprès de l'eau buisson, sur la fraîcheur des marbres, les femmes vont goûter leurs lèvres comme fruits. Et l'on parle d'amour, on parle de caresses. Les amants, les maîtresses aiment la nuit, le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile où l'on aime toujours. Dis-moi, petit aimé, envolons-nous vers elle et nous nous aimerons pendant l'éternité. La chimère aux doux yeux nous prêtera son aile. Vois là-haut dans le ciel, vois sa pâle clarté. C'est l'étoile d'amour, c'est l'étoile d'ivresse. Les amants, les maîtresses aiment la nuit, le jour. Un poète m'a dit qu'il était une étoile où l'on aime. Avec amour, il suffit la voir avec un bout. Moi je dis qu'il faut lui faire confiance. Oui, je crois qu'on a chacun sa chance. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille le soleil. À chacun son étoile, à chacun son destin. Chaque jour que l'on vit est un cadeau du ciel. Hier ne reviendra plus, et que sera demain? C'est aujourd'hui que brille. À chacun son étoile, c'était Alain Morisseau et le Sweet People. On continue avec notre ami Tissier, Michel, un très beau prénom d'ailleurs. Eh oui, marcher sur les nuages. Non, on va d'abord passer l'ami. L'ami, c'est son chien. Ce fut une belle histoire d'amour. Oh, les mots ne nous servaient à rien. Un simple regard et nous étions bien. Cette belle histoire, c'était mon chien. Il était ce que j'aimais le plus au monde. Il était l'ami qui comprenait mes peines. Dans ses yeux, l'amour, l'amour qui vous inonde. Il vivait sa liberté sans une chaîne. Aujourd'hui, il est caché au fond de mon cœur. Je le vois courir, mais c'est un rêve. Si demain, il revenait rien que pour une heure, je pourrais lui dire encore, je t'aime. Il était la pluie, le vent sur mon visage. Il était le sable chaud entre mes doigts. Il avait de la tendresse pour seul bagage. Je savais que sa vie n'était qu'à moi. Aujourd'hui, il est caché au fond de mon cœur. Je le vois courir, mais c'est un rêve. Si demain, il revenait rien que pour une heure, je pourrais lui dire encore, je t'aime. Que pour une heure, je pourrais lui dire encore, je t'aime. C'est toi mon chien. Tu es revenu mon chien. Allez, viens, viens mon chien, viens, viens. C'était chanté par Michel Tissier, donc un ancien qui a fait l'Algérie comme moi. Eh oui, et avec moi. Un paysan s'en va, Marc Michel. Empêche-le de partir, car il est le dernier. Il emporte avec lui ce qui faisait la ville dans notre pays. Au nom de quelle idole, à cause de quel progrès, il te faut tout quitter. Toi qui dans ton cœur pourtant désirais qu'une chose, celle de vivre au pays.

paradis. On peut la voir chaque jour donner des bouquets d'amour. Elle a les cheveux dorés, elle est belle, belle à croquer. Et dans le fond de ses yeux, le ciel est encore plus bleu. Petit Muguet, on l'appelait Petit Muguet, à tout jamais. Petit Muguet, on l'appelait Petit Muguet, à tout jamais. Et on écoute maintenant, par Étienne de Normandie, une petite larme m'a trahi. Une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite larme m'a trahi. Tu m'as dit que tu veux me quitter, que tu as déjà trop souvent hésité. Je t'ai dit que tu pouvais partir, que ça ne m'empêcherait pas de dormir. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je t'ai dit de partir aujourd'hui. Je serai plus à l'aise seul dans mon lit. Je t'ai dit qu'une autre fille m'attendait, et même que je rirais quand tu partirais. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie. J'étais sûr de garder mon sang-froid quand tu m'as dit adieu, ne m'en veux pas. J'ai crié va-t'en que le diable t'emporte, mais sitôt que je t'ai vu passer la porte. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais pourtant bien jouer la comédie, mais une petite larme m'a trahi. Mais une petite larme m'a trahi. Après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.